l'appli Radio Player France, c'est faire le choix d'écouter ce que je veux, quand je veux, où je veux, en live ou en replay. Mais c'est aussi avoir le choix entre 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts. Ah oui, c'est un choix totalement gratuit aussi. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. Alors cet été, un soir où il faisait très chaud, pas beaucoup de vent, on est rentré en voilier dans la baie de la Baule pour s'approcher de l'étier du Pouliguen. Et là, extraordinaire, le bateau fendait l'eau et crachait, si on peut dire, du bleu intense, un bleu lumineux. Dans les vagues, en avançant, eh bien, ça scintillait, mais un bleu néon, bleu électrique. C'est comme le disaient les anciens marins, c'est cette association en fait du feu et de l'eau. Les anciens marins, quand on ne connaissait pas ces phénomènes dits de bioluminescence, eh bien, ils attribuaient facilement ces phénomènes à des faits un peu merveilleux. Ce que les animaux doivent à la nuit, à la recherche de la bioluminescence. Les capitaines, dans leur cahier de bord, décrivaient ces phénomènes, et même dans les récits de Jules Verne. Jules Verne dit à un moment que le Nautilus est pris dans ce qu'on appelle une mer de lait, c'est-à-dire des kilomètres et des kilomètres carrés d'une mer blanche, un peu scintillante. Et c'était, voilà, on est à la fois dans le merveilleux et dans l'inexplicable. Depuis la nuit des temps, il semble que nous cherchons de la lumière dans l'obscurité. Et parfois, elle vient à nous, un soir, lors d'une balade sur la plage. Alors que des vagues bleutées se brisent sur le rivage, la bioluminescence semble surgir des grands fonds océaniques. La profondeur moyenne de l'océan est de 3800 mètres, et encore en 2022, l'humanité n'a exploré qu'une toute petite partie des abysses. Une brève recherche dans la littérature scientifique me fera constater qu'ils sont peu nombreux, nombreuses celles et ceux qui vont chercher au-delà de la surface et qui s'engouffrent dans l'océan profond. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais bien passer ma vie dans la station zoologique de Villefranche-sur-Mer, m'appeler Evelyne Holliston et tous les matins partir en mer pour relever les filets à plancton. Je pourrais vous dire, on est à Villefranche-sur-Mer, on regarde la baie de Villefranche, qui est une baie clos, très profonde, connue par les chercheurs depuis 150 ans comme un lieu privilégié pour le plancton. Donc les espèces d'animaux et de plantes et d'autres types d'organismes qui en général se trouvent au large, mais qui là sont ramassés juste devant la station zoologique de Villefranche-sur-Mer. Une particularité, c'est qu'elle est très très profonde. Donc à gauche, j'ai les Alpes. En 10 minutes en voiture, on est à 300 mètres d'altitude. Et c'est pareil, donc ces Alpes, elles descendent dans l'océan. Et devant moi, on est à 300 mètres de profondeur, juste à moins d'un kilomètre de la côte, ce qui est remarquable. Et puis à droite, je vois l'entrée de la rade qui donne sur la Méditerranée, bien sûr, et qui est un point mythique pour les chercheurs qui s'appelle le point B, qui est au milieu de l'entrée de la rade, dont on prend les sondages et les collections de plancton tous les jours pour les observations des chercheurs océanographiques. Le plancton, c'est un mot qui est utilisé pour tout organisme vivant qui dérive dans la mer ou dans les océans. Ça dérive. Planktos, je pense, en grec, c'est la notion de dériver. Donc, ça peut être les plantes, ça peut être les animaux, ça peut être d'autres organismes microscopiques qui sont ni les plantes ni les animaux, d'ailleurs. Et ça peut être de toute taille, ça peut être toute petite, jusqu'à les macroplanctons qu'on trouve ici, spécialement à Villefranche-sur-Mer. Donc, les macroplanctons peut être les méduses ou d'autres organismes animaux qui atteignent les tailles même de quelques mètres de longueur. Donc il n'y a pas de notion de taille dans la notion de plancton. Alors ça donne des couleurs magiques le soir? Le soir, on peut avoir les espèces planctoniques qui brillent, effectivement. La réaction de bioluminescence est due à la calcium, donc le calcium dans l'eau de mer qui entre dans les cellules et qui fait activer des protéines qui donnent la lumière, donc les protéines bioluminescentes. Il y a différents types de protéines, d'ailleurs, qui peuvent agir comme émetteurs de lumière. Donc, il y a des luciférases et les luciférines. Donc, les luciférases, c'est différents types d'enzymes dans les cellules qui, en travaillant avec les luciférines, génèrent la lumière. Et il y a différents types de protéines selon les types d'organismes. Une qui est très connue pour nous, elle est dans les méduses. Donc, nous, on étudie les méduses. Il y a une protéine qui s'appelle l'équorine, qui est isolée d'une méduse qui s'appelle Equora. Et elle génère la lumière bleue en contact avec le calcium. Donc, l'agitation fait rentrer un peu de calcium de l'eau de mer dans les cellules de la méduse. Et ça fait provoque les flashs de lumière bleue. Il y a une méduse dont on parle beaucoup ici. C'est la Pelagia noctiluca. C'est fait mouiller. La Pelagia noctiluca est une espèce emblématique de la Méditerranée, d'ailleurs, très abondante et toujours là. C'est une espèce qui n'est pas du tout aimée par les touristes par ici parce que c'est l'espèce qui pique les touristes sur la plage. Si le courant vient à la côte, les méduses viennent à la côte. Si le courant elle est au large, elles sont au large. À quoi elles ressemblent ? Pelagia est tout à fait une méduse classique. Elle est dans les familles des scyphozoa, les vraies méduses, on dit. Donc oui, elle a une forme classique, ombrelle un peu en boule. Après, les longues tentacules qui embêtent les touristes, mais qui sont là surtout pour pêcher, pour attraper le poids. Après, il y a des espèces de lames qui pendent sous l'ombrelle, qui sont les organes reproductifs qui lâchent les gamètes, donc les spermatozoïdes et les ovules dans l'eau chaque jour à l'aube. Il y a deux espèces de méduses qu'on garde ici en culture au laboratoire, Pelagia noctiluca et une autre qui est plus petite qui s'appelle Clitia hemispherica, qui était une petite méduse qu'on maintient maintenant au laboratoire depuis 2005 environ et qui appartient d'une autre classe de méduses, les hydroméduses ou les hydrozoaires. Elle est toute petite, toute transparente, donc elle fait environ 1 cm en diamètre. Clitia et Pelagia, toutes les deux sont bioluminescentes. Pelagia, elle donne les flashs de lumière bleue avec l'agitation de la mer, donc on les voit en bateau. Clitia, elle est beaucoup plus petite, mais elle a aussi une protéine très similaire. Elle s'appelle clitine, la protéine, et elle donne les flashs de lumière bleue. Mais en fait, il y a une particularité de cette espèce, c'est qu'elle a une deuxième protéine qui s'appelle la GFP, pour Green Fluorescent Protein en anglais, c'est la protéine fluorescente verte, qui prend l'énergie de la lumière bleue et les transforme en verte. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de méduses, donc Clitia, qui au lieu de flasher en bleu, flashent en verte. Une chose qui est très intéressante au niveau pour les scientifiques par rapport à la bioluminescence, c'est que les protéines, donc l'équorine et le GFP, sont devenues très célèbres dans le monde scientifique parce que c'est les protéines qui sont maintenant utilisées dans la recherche biologique et médicale pour tracer les phénomènes biologiques dans tous les labos, dans tous les organismes du monde. Donc on transforme les cellules en culture, les cellules cancéreuses pour voir comment chaque protéine peut se comporter, mais grâce à les protéines des méduses qui étaient purifiées, analysées, séquencées, clonées et mises dans différents contextes pour les chercheurs dans les laboratoires. Quand la nuit tombe, les habitants des océans ne vont pas ressentir cette tombée du jour de façon identique. Catherine Vadon, docteur en océanographie. Les animaux, les organismes qui vivent très en surface sont évidemment liés au cycle nuit et jour. Mais plus on descend en profondeur et plus les animaux vivent dans l'obscurité complète toute leur vie. Et donc ces organismes qui vivent dans cette couche d'eau, il va falloir qu'ils s'adaptent. Ils doivent s'adapter en fait à deux contraintes. Ils n'ont aucun obstacle. Ils n'ont absolument rien pour se cacher et ils vivent dans le noir presque complet. Et donc il va falloir que ces organismes s'adaptent et répondent par leurs adaptations à ces deux contraintes majeures auxquelles s'ajoute, plus on descend, une température qui diminue aussi et une pression qui augmente. Donc c'est beaucoup en fait de contraintes La lumière va être produite suivant les organismes de différentes façons. Il y a beaucoup d'animaux qui vivent entre 200 et 1000 mètres de profondeur, qui ont une stratégie tout à fait extraordinaire qu'on appelle la contre-illumination. Imaginons que vous êtes un petit poisson ou une petite crevette qui vit à 200, 300 mètres de profondeur. Les prédateurs qui vont se trouver en dessous de vous et qui vont regarder au-dessus d'eux vont voir votre silhouette se détacher très légèrement par rapport à la lumière qui filtre depuis la surface. Donc, en ombre chinoise, ils vont vous voir, ils vont vous manger. Ces organismes éclairent leur surface ventrale et ils vont, en éclairant leur surface ventrale, se confondre avec la faible lumière qui arrive de la surface, soit du soleil, soit des étoiles, soit de la lune. Et ils vont, pour le prédateur qui se trouve donc en dessous d'eux, faire disparaître complètement leur silhouette. Et donc c'est quand même extraordinaire de se dire qu'on éclaire pour se camoufler. Et pourtant, c'est bien comme ça que ça fonctionne. Des crustacés vont avoir des petits photophores, des crevettes vont avoir des petits photophores sur leur abdomen et vont éclairer. Des poulpes, des poissons. C'est très intéressant puisque c'est des organismes qui ne sont pas apparentés. Un poisson, une crevette, un poulpe. Et pourtant, par rapport aux mêmes pressions du milieu, eh bien, ils vont avoir développé cette bioluminescence, on va dire, ventrale. Et donc, c'est un phénomène tout à fait de convergence évolutive, tout à fait frappant. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que l'organisme a donc la notion de la lumière ambiante et règle son éclairage à cette lumière pour être dans le même spectre que la lumière qui arrive de la surface, dans les mêmes longueurs d'onde. Après, il y a des poissons, beaucoup de poissons qui sont bioluminescents et qui ont, c'est les poissons lanternes, qui portent sur leur corps plein de petits photophores, des petits projecteurs. Alors, on s'est aperçu aussi que certains organismes développaient des adaptations vraiment extraordinaires. Je pense en particulier à un amphipode, un petit crustacé. Amphipode, c'est la famille des puces de mer qu'on a sur nos plages. Donc celle-ci vit à 400-300 mètres de profondeur. Et ce petit crustacé, il est, on va pas dire transparent, on va dire translucide. Et donc on peut penser qu'un animal translucide, dans un milieu qui est peu éclairé, bien évidemment, il va passer inaperçu. Or, c'est sans compter certains prédateurs, certains poissons, qui vont émettre un espèce de faisceau lumineux depuis des cellules qui se trouvent proches de leurs yeux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont éclairer pour chercher des proies. Et si le faisceau lumineux du poisson en question vient éclairer le crustacé, ça va être l'effet d'une torche éclairante sur une vitre. Et donc, on s'est aperçu, c'est une découverte récente, que le crustacé est recouvert de microbilles minuscules qui est en fait un anti-reflet. Et qui, en fait, va répercuter, va renvoyer le faisceau lumineux du poisson. Donc, c'est une espèce de course contre la montre, en fait, entre les prédateurs et les prédatés. Et sans doute, comme vous, nourri des récits de Jules Verne, j'aurais envie d'en savoir plus, plus loin, plus profond, avec des instruments de navigation sous-marins intrigants, de pousser encore les limites de la technologie et d'aller chercher des nouvelles lumineuses des grands fonds. Et puis, comme Séverine Martini, chercheuse à l'Institut méditerranéen d'océanologie, j'aimerais pouvoir dire « Je suis partie en Californie entre 2015 et 2017 et mon objectif, mon rêve, c'était de mieux comprendre quel était le rôle de la bioluminescence chez les organismes marins. Et donc, je suis partie en Californie dans ce laboratoire qui s'appelle le MBARI, qui est situé en baie de Monterey et qui est spécialisé sur l'observation des grands fonds et la recherche autour des grands fonds marins. Et une des particularités de ce laboratoire qui me fascinait, c'est qu'en fait, ils ont à disposition un bateau qui part en mer, en fait, quasiment tous les jours. Et j'ai eu la chance, l'opportunité d'embarquer à bord de ce bateau à peu près une fois par mois. Et on déployait un ROV, donc un Remotely Operated Vehicle, un robot opéré à distance. Et ce robot, en fait, nous permet d'observer le long de la colonne d'eau tous les organismes, de la surface jusqu'à 4000 mètres de profondeur à peu près. C'est la profondeur qu'il y a au large de Monterey, dans la baie de Monterey. Et une des particularités de ce laboratoire, le MBARI en Californie, c'est qu'ils ont une base de données exceptionnelle d'observation d'animaux bioluminescents. Et on a publié donc le résultat de ces recherches en montrant que sur près de 350 000 observations qui avaient été conduites ces 17 dernières années au laboratoire du MBARI, en fait, on avait à peu près les trois quarts, un peu plus des trois quarts des organismes, des animaux observés sur la colonne d'eau, qui étaient connus par les publications scientifiques comme étant des animaux bioluminescents. J'ai le souvenir de cette première mission où j'ai utilisé ce type de véhicule, ces ROV, et de découvrir vraiment tout ce qui se passe le long de la colonne d'eau, donc la disparition de la lumière après les quelques premières centaines de mètres après la surface, puis de pénétrer dans cette obscurité immense et qui dure des dizaines de minutes quand on s'enfonce dans les profondeurs. Et la particularité de ce ROV au MBARI, c'est que une des équipes de recherche, donc qui est menée par Steven Haddock, avait permis d'implémenter une caméra haute sensibilité sur le ROV du MBARI pour mener des observations de la bioluminescence, donc qui est une émission de lumière relativement faible finalement. Et donc à l'aide de ces caméras très sensibles à la bioluminescence, je me souviens d'avoir vu ces petits vers marins entre 500 ou 3000 mètres de profondeur, je me souviens plus de la profondeur exactement. Mais j'ai le souvenir d'avoir le ROV qui se stabilise à côté de cet organisme. Et au bout d'un moment, soit parce que ce petit ver est dérangé par la présence du ROV qui s'approche un peu trop près, soit au bout d'un moment, il sent qu'il y a un prédateur, un très gros prédateur, un peu bruyant qui est à proximité. Et j'ai le souvenir de ce flash de bioluminescence, ce flash de lumière qu'on a réussi à enregistrer avec les caméras et qui était probablement une des premières fois où on avait ces images de bioluminescence in situ grâce à ces caméras sur les ROV. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éponge carnivore que vous avez découvert ? En fait, au cours d'une mission, je me souviens que tous les scientifiques avaient récupéré leurs échantillons et au fond d'un bocal, il restait un organisme un peu difforme qui avait été récupéré un petit peu par hasard parce qu'un organisme, un cténophore qui nous intéressait, était accroché à cette espèce de branchage un peu difforme qui ressemblait à rien. Donc je récupère cet organisme. On le met dans une chambre noire avec une température relativement basse, dans un bac d'eau. On le laisse reposer tranquillement au noir pendant plusieurs minutes. Et au bout d'une dizaine de minutes, je reviens dans la chambre noire et j'essaie de stimuler cet organisme, donc en appuyant dessus légèrement avec une petite pince à épiler. Et j'essaie de stimuler la bioluminescence pour voir si on avait de la lumière qui était émise par cet organisme inconnu pour l'instant. Et en fait, je m'aperçois que à chaque endroit où j'appuie la petite pince à épiler, on a une émission de lumière relativement lente, donc un peu comme un petit phare qui s'allume doucement, et une fois que j'enlève la pince à épiler, qui s'éteint doucement aussi, donc en quelques secondes. Et à chaque fois que j'appuie sur cette espèce de petit branchage, quel que soit l'endroit où j'appuie, on avait cette réaction lumineuse, donc de bioluminescence. Et du coup, j'étais un peu interloquée, j'avais aucune idée de quel organisme j'étais en train de stimuler, si c'était connu ou pas du tout. Et je vais voir le chef de mission, donc Steven Haddock, et je lui dis, j'ai trouvé un organisme, mais je sais pas du tout ce que c'est, par contre, ça émet de la bioluminescence à chaque fois. Et une des personnes qui était à bord me dit, en fait, c'est une éponge. Et Steven Haddock, qui était à bord, me dit « Non, mais c'est impossible, les éponges n'émettent pas de bioluminescence. » Et donc on a été tous les deux regardés, on a essayé de nettoyer de tous les organismes parasites qui pourraient être bioluminescents et interférer avec ce qu'on voyait. Et on s'est rendu compte que, effectivement, cet organisme, cette éponge, était bioluminescente, elle émettait de la bioluminescence. Ensuite, de retour au laboratoire, on a cherché à définir quelle espèce c'était et on s'est rendu compte que, de façon encore plus incroyable, c'était une éponge qui appartenait à un groupe d'éponges qui est connu pour être des éponges carnivores, donc qui se nourrissent de petits crustacés qui passent à proximité. parmi les créatures mésopélagiques les plus extraordinaires, difficile de faire un choix parce qu'elles le sont toutes, mais certaines crevettes sont particulièrement étonnantes puisqu'elles arrivent en fait à cracher du mucus bioluminescent à la face, si j'ose dire, d'un prédateur. Et donc elles vont émettre ce nuage avec des volutes incroyables, très colorées en plus, dans l'eau. Et elles vont, en même temps, évidemment, reculer hein, en faisant battre leur abdomen et disparaître dans le noir de l'océan. Voilà, un petit peu semblait voilà, un cracheur de feu qui émettrait de la lumière pour effrayer, pour faire reculer un prédateur. Les poissons pêcheurs des grands fonds ont donc pour la plupart un leurre luminescent rempli de bactéries qu'ils agitent donc devant leur gueule, mais d'autres ont fait, si j'ose dire, encore plus fort, puisqu'ils ont un double système lumineux. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement un leurre bioluminescent qu'ils agitent devant leur gueule, mais en plus au menton, des ramifications, des barbillons extraordinaires qui sont également lumineux, mais qui ne contiennent pas de bactéries bioluminescentes et qui ont un autre système qu'on ne connaît pas bien encore, mais qui est capable d'éclairer. Donc certains poissons aussi des grands fonds ont à l'intérieur de leur bouche, sur leur palais, un organe luminescent, c'est-à-dire qu'ils ouvrent donc leur gueule et donc ils vont illuminer l'intérieur de la gueule pour attirer une petite proie qui passe. Alors, ces poissons qui vivent au-delà de 1000 mètres de profondeur, ils n'ont pas du tout la même physionomie que ceux qui vivent au-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont une musculature qui est très très faible, ils ont des muscles peu développés, ils ont des corps flasques. Mais par contre, ils ont des gueules énormes et des estomacs extensibles. Et pourquoi ? Parce que plus on descend et il y a moins de proies disponibles, il faut qu'ils puissent profiter de toute la moindre proie qui passe. Et si cette proie en question est beaucoup plus grande qu'eux, ou proportionnellement beaucoup plus grande qu'eux, eh bien, ils doivent pouvoir quand même l'ingérer. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des gueules extensibles énormes et des estomacs extensibles. Et après, une fois qu'ils auront ingéré la proie, ils vont mettre des semaines, peut-être des mois à digérer. Donc, et ils auront donc attiré leur proie avec leur petite boule luminescente remplie de bactéries lumineuses, qui peuvent d'ailleurs éteindre ou rallumer à volonté, ce qui est tout à fait extraordinaire. Ça fait plusieurs années en fait que je continue à travailler avec Dominique Lefebvre, Christian Tamburini et différents chercheurs de l'Institut méditerranéen d'océanologie à Marseille. On avait ce projet un peu fou d'aller mettre des caméras et pourquoi pas un robot au fond de la Méditerranée pour avoir finalement un système d'observation 24 heures sur 24 en continu sur plusieurs années. On va larguer les pointes arrière en premier. La bioluminescence, c'est une émission de lumière, mais finalement relativement faible. On ne peut pas la comparer à une lumière qu'on allumerait, par exemple, chez soi. C'est vraiment une lumière faible. On ne va pas pouvoir lire un bouquin en ayant un animal bioluminescent à côté de nous. Donc finalement, la technologie qui permet d'enregistrer des images de la bioluminescence doit être extrêmement pointue. Et ça fait seulement quelques années, 5-10 ans, qu'on a des caméras, des appareils photos numériques, etc., qui sont suffisamment sensibles en faible lumière, dans le noir complet, pour enregistrer des images d'organismes qui émettent vraiment une lumière très très faible. Et en plus avec des longueurs d'onde, des couleurs qui sont... seulement dans un champ de longueur d'onde très restreint, donc autour du turquoise. Vigie base navale, pilote, pourquoi pas. Oui, pilote, pourquoi pas, bonsoir. Bonsoir, appareillage du pourquoi pas du quai de Brégaillon pour la mer. On est combien en fait j'ai, 65. Okay. Appareillage de l'avion de 1020 pour la mer. Le pilote sera sur 8h à 18h à la boule d'atterrissage, le rebelle de mer pour Tianjin. Tout bien pris, l'avenir, le rebelle. Je vous remercie, à bientôt. Donc on arrive aujourd'hui au début de ce projet Batibot. Donc on a décidé d'implémenter une caméra sensible à la bioluminescence sur ce petit robot. Et ce petit robot, en fait, était également fourni avec différents instruments océanographiques pour avoir un suivi de la température, la salinité, l'oxygène. Deux caméras, notamment la caméra qui permet d'enregistrer la bioluminescence. Plage avant de passerelle. Oui, j'écoute. Oui, plage avant, on larguera la garde en premier. Donc Batibot est effectivement monté sur le bateau, le navire océanographique, le Pourquoi Pas, et va être déployé en Méditerranée, à 2400 mètres de profondeur, au large de Toulon. Ok, d'accord. Plage arrière. Oui, j'écoute. Donc on va larguer les pointes en premier. Comme le robot est relié par un câble jusqu'à terre, on va avoir des images en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant plusieurs années. Et on va être capable de diriger le robot aussi en direct depuis notre ordinateur. On espère effectivement pouvoir le garder avec ses missions techniques intermédiaires, mais pouvoir le garder au fond de l'océan pendant une dizaine d'années, j'espère. Plage arrière, passerelle écoute. Ouais, une pointe claire, il nous reste une pointe et une garde. On peut larguer la deuxième pointe ? Oui, vous pouvez larguer la deuxième pointe. On part à 42 degrés, 48 nord, 5 degrés est, en gros. Oui, bien reçu, merci. À 20 000 nautiques, c'est-à-dire en gros à 40 km de distance de Toulon, dans une zone qui atteint déjà 2400-2500 mètres de profondeur. Ce qui est l'intérêt aussi, quand on étudie le milieu profond, d'être sur les côtes méditerranéennes, parce qu'on est proche du milieu profond. Bon, on largue tout ? On largue tout. L'avant, l'arrière, on largue tout. Je suis Christian Tamburini, directeur de recherche au CNRS. Je travaille à Marseille et je suis spécialisé en océanographie microbienne des zones profondes. La Méditerranée est souvent considérée comme un mini-océan. Parce que les changements qu'on peut voir au niveau de la Méditerranée pourraient être représentatifs de ce qui peut se passer à l'échelle globale au niveau de l'océan. Donc on essaye de déterminer des tendances que l'on voit éventuellement plus rapidement sur la Méditerranée pour essayer de les extrapoler au niveau de l'océan. VLICP, pilote, pourquoi pas. Bonsoir. Le pourquoi pas appareil pour une mission en mer au sud de la presqu'île de Gien, 10 000 dans le sud de la presqu'île de Gien. Il reviendra samedi prochain en soirée. À bord, 32 équipages, 33 personnels spéciaux. Tirant d'eau, 6,10 m. Bien pris, merci beaucoup. Faut venir. Alors pour aller chercher encore plus loin, un peu plus profond, j'aimerais beaucoup être cette jeune scientifique, Marthe Vienne, qui prépare ses manips, Arnaud, ce bosco qui veille sur les manœuvres, Franck Rosaza, le capitaine du Nautile, sous-marin à même de descendre jusqu'à 6000 mètres de fond, ou encore François-Xavier Briand, ce jeune lieutenant qui prend son quart par une nuit très noire et pouvoir dire... On est à la passerelle du Pourquoi pas, le poste de commande, la timonerie, tout en hauteur où on domine la mer, on domine les plages de manœuvre, on domine tous les espaces de travail du navire. C'est d'ici qu'on va commander, piloter, diriger le Pourquoi pas et permettre de mener à bien les opérations océanographiques. Le bateau, c'est un navire de 104 mètres de long, pour 21 ou 22 de large, 100% occupé par des laboratoires, par des outils scientifiques, par des grues, des moyens de mise en œuvre, de moyens scientifiques, partout. Il n'y a pas un espace perdu sur ce bateau. Là, actuellement, on se situe à un peu plus d'une vingtaine de mètres au-dessus du niveau de la mer, et en dessous 2000 mètres de fond. C'est une espèce d'unité de colonne d'eau, de corps. On est le sous-marin dans le prolongement du navire, et le navire dans le prolongement du sous-marin. C'est assez fantastique. Pour toutes les personnes à bord, il ne sera plus question que de pouvoir, tous les jours, plonger sur le tribord du bateau une foule d'instruments de mesure et dans les grands fonds, Batty Boat et la Batty Family. Je ne sais pas vous, mais moi je rêverais d'être chef de mission, de m'appeler Dominique Lefebvre de l'Institut méditerranéen d'océanologie, d'être biochimiste océanographe et de monter à la passerelle pour prendre des nouvelles et pouvoir confirmer ou infirmer la mise à l'eau de la CTD. Le profileur pour faire la température, salinité et prise d'échantillons. Et je cherche à voir le comportement du bateau en fonction du vent et du courant pour savoir si l'opération est faisable. On est à 49 par rapport à la météo qui était prévue. C'est en concordance avec la météo. Et mon inquiétude, c'est l'angle de câble, si on peut le tenir bien droit quand on est en station fixe, c'est-à-dire en position fixe sur le point pour qu'on puisse faire un profil vertical. C'est jouable. C'est sport, mais c'est jouable. Ok. Donc je vois, moi, avec les collègues de la bordée, si au niveau mise à l'eau, on n'a pas de soucis. On fait ça. À chaque lever du jour et à chaque coucher du soleil, il y a un phénomène très spécifique qui est en mer, c'est qu'on a la migration verticale du zooplancton qui vient brouter en surface la nuit et qui redescend à l'heure pendant le lever du jour. Et donc à 5h du matin, c'est-à-dire une heure avant le lever du soleil, on met en place toute une stratégie d'échantillonnage en fait, de la colonne d'eau sur le 0700 mètres ou 0000 mètres pour aller faire des mesures de profils verticaux de bioluminescence, donc liées en fait à la migration ou au déplacement du zooplancton, des petits cacas qu'ils émettent lors de leur mouvement et qui contiennent des particules bioluminescentes. Et pouvoir collecter ces particules pour pouvoir les étudier, leur nature, leur forme, et ce qu'on peut en tirer pour comprendre la dynamique du carbone sur ces petites particules. Est-ce que tu sais quel filet tu veux installer ? Ouais, c'est le 500 microns que je vais installer. Comme d'habitude, il récupère les gros organismes. Moi, j'en ai un plus gros qu'hier encore. Ouais, je vais essayer de faire un peu. Moi, ils m'ont appelé à 22h20 pour dire qu'on commençait pas à 5h, mais à 6h. C'est Ulysse qui m'a appelé. Il m'a dit on commence une heure plus tard. J'étais persuadée qu'il était 3h du matin quand il m'a appelé. Hein. Ça faisait une demi-heure que je dormais. Mais je savais pas que toi tu étais juste là pour les manips quand il y avait quoi. Ouais, que tu prenais pas ton car. C'est François qui est matelot de car. Après, il y a Camille, Adrien et moi en matelot de roulante. Il y a un seul marin de car, je crois. Ouais, un seul matelot. Et on fait ça systématiquement tous les matins entre 5h et 9h du matin avant que le Nautile parte à l'eau. Et lorsqu'il y a possibilité, on le fait aussi le soir à la tombée du soleil, là où les organismes partent du fond pour arriver à la surface pour venir se nourrir. C'est la transhumance journalière. D'abord, on fait un filet vertical pour aller collecter les organismes, un filet avec une taille de 2 mailles de 100 micromètres ou 500 micromètres selon les organismes qu'on vide. Donc on fait un ou deux filets. Une fois qu'on a fait le filet, on fait en fait un système de yo-yo avec une CTD rosette qui est dotée de bouteilles de prélèvement. Donc il y a 12 bouteilles de prélèvement de 11 litres. Et qui est doté de capteurs pour mesurer la température, la pression, la salinité, l'oxygène, la fluorescence, la charge en particules et un capteur pour la bioluminescence. Donc ça, c'est les nouvelles générations de capteurs qui ont été mis en place par une collègue, Séverine Martini, et qui va permettre de regarder, d'avoir une continuité sur la colonne d'eau de la bioluminescence. Ah, alors, il y a un truc super. Nous avons un mini poulpe, mais tout petit. Ça, c'est trop bien. Non, c'est génial. Un petit poulpe qui s'est tout de suite accroché au fond du seau. Mais alors, il fait la taille de mon petit ongle. D'accord. Incroyable. T'étais perdu. Ah, il est dérive. Il est tout petit. On a un bébé poulpe. Excellent. Je sais pas si t'arrives à le voir là. Il est ouais. Là. Alors. Il est un peu petit pour aller à la plancha. Mais... Ouais. Et il fait de la lumière, ce poulpe ? Ah, bah alors là, ça faudra tester. Il y a peu de chance, je pense que le... Parce que ici les poulpes... Souvent, les poulpes qu'on a ici... lui, ça va être un poulpe commun. Bon. Ouais. Voilà. Alors, je vais remettre un peu d'eau, maintenant. Il se sent bien. Donc là, je remplis le seau. Je remplis le seau, je les emmène dans la chambre noire à 13 degrés pour qu'ils soient à la même température que la température de l'eau. Et puis après, je vais les laisser tranquilles un petit peu. Un soir, à une heure avancée de la nuit, à la passerelle, la mer est suffisamment calme pour plonger Batibot dans les grands fonds. Et là, j'aimerais vraiment être Eva Castillo, officier polyvalente qui pilote ce soir-là le Pourquoi pas, ou Karl Gojak, ingénieur de recherche au CNRS, et de dire « Ouais, on remet 10 mètres dans l'est, 10 mètres dans l'est, s'il te plaît, Eva. Tu vois, on y va tranquille dans le sud. » On n'a pas touché, toujours 13 mètres. Tout doucement, là, je m'en fiche qu'ils soient un peu décalés. Là. Ce que je veux, c'est le... Ah, il reste 6 mètres encore ? Ah ouais, ok, bah laisse-le aller alors. 6 mètres vers quoi ? Vers l'est ? Ah ouais, bah laisse-le y aller. On va attendre. On s'approche tout doucement. On prend notre temps parce que bah, tout est très lent sur les déplacements. Et c'est encore un peu trop loin pour poser Batidoc. Je me mets 5 au nord. Ouais, je veux bien parce que là, il prend vraiment beaucoup, il se décale beaucoup au sud en fait. On est en train de mettre en place un observatoire profond, câblé, parce qu'il y a aussi déjà une infrastructure qui est mise en place par des collègues astrophysiciens qui travaillent sur la physique des particules et qui ont mis un télescope à neutrinos à 2500 mètres de profondeur. Les collègues ont fait appel à nous et ce qu'on a montré, c'est un lien entre des phénomènes de convection d'eau profonde, c'est-à-dire des eaux qui sont formées en surface et qui plongent jusqu'à 2500 mètres de profondeur, et une forte bioluminescence, une sorte d'efflorescence de bioluminescence qui éblouissait le télescope et du coup qui nous a vraiment intéressés, parce que là par contre, c'était quelque chose dont on ne s'attendait pas du tout. Et donc, on utilise cette infrastructure qui est déjà mise en place et on va mettre en place maintenant un robot qui s'appelle Batibot et toute une Batifamily. Du coup, quand il a fini, Eva, si tu pouvais mettre 10 mètres à l'est, s'il te plaît. Ouais. On l'a appelé Batibot pour deux raisons. La première, c'est que Bati signifie profond et Bot, c'est la fin de robot. C'est vrai que l'analogie entre Batibot qu'on va mettre à 2500 mètres de profondeur et Persévérance, qui est un des robots qui est actuellement sur Mars, elle peut se faire, effectivement, parce que on cherche à aller observer ce qui est peu observé. Et Batibot, justement, la différence de Persévérance qu'il a est en autonome sur Mars. Nous, on a la chance d'avoir le câble. On n'est pas loin, Eva. Un mètre encore. Un mètre encore ? Ben, écoute, on va le laisser venir. Batibot avec Salès va pouvoir se déplacer dans un rayon d'environ 50 mètres. Batibot est bardé de différents instruments. Instruments permettant de mesurer la température, la salinité, la vitesse et la direction du courant sur Batidoc, qui est donc son garage qui va nous permettre de le mettre à l'eau et sur lequel la laisse de Batibot est connectée. Sur Batidoc, donc, il y a aussi une caméra qui nous permet de mesurer à la fois le flux particulaire et qui nous permet aussi de prendre des images d'organismes planctoniques. Il a un œil qui émet des flashs ? Alors oui, son gros œil, c'est la caméra. Et il a un petit œil où c'est des LED de différentes couleurs. On va essayer de simuler des flashs lumineux que pourrait faire un organisme bioluminescent. Et ça pourrait nous permettre effectivement d'attirer des organismes qui seraient curieux ou qui viendraient en tout cas visiter Batibot, et donc on les piégera avec avec ce subterfuge. Quentin pour la passerelle. La passerelle, Quentin. Tout le monde. Ouais, t'es prêt, on va bientôt poser. Ok, je suis au cas-tu, moi j'attends votre signal, je suis prêt. C'est bon, tu peux larguer. Ok, j'ai le largage effectué, j'ai l'équipement de mon côté. Ok, largage effectué. Il reste combien, Eva, sur le déplacement, s'il te plaît ? Bon, c'est posé. Youhou ! Champagne. Oui, va. Merci. Merci beaucoup. Ouh là là, on voit rien. Donc là, on est dans le noir complet. Alors, je ne sais pas où vous êtes. Voilà, ça c'est mon... Voilà, ok. Mon épaule droite. C'est le bulleur là qu'on entend encore? Ouais, c'est le bulleur qu'on entend, hein. Il faut toujours oxygéner. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? On est dans le noir, dans le labo thermostaté, à 13 degrés toujours. J'ai laissé à 13 degrés depuis le début de la mission. Et on a mis l'échantillon de ce matin, pêché ce matin au filet, dans un aquarium. On l'a laissé se reposer un peu, je l'ai laissé un peu se reposer quelques heures. Et là, techniquement, si on observe, et je commence déjà à avoir un flash, voilà, je commence déjà à avoir un peu de lumière. Alors, on est en train de s'adapter à la lumière au noir. Il est où le... Alors, l'aquarium, il est juste ah, oui, là. D'accord, voilà. Ok. Merci. Là, si on se penche un peu, oh, on va... Ah oui. En plus, là, je suis sûre qu'il y a des organismes bulbes. Enfin, il y en a toujours, hein, mais là, il y en a un, normalement, un euphosiacé. C'est des petites crevettes, hein, c'est ce qu'on appelle le krill. Et lui, je suis sûre qu'il fait la lumière, donc... Il en fait bien en fait, il en fait en continu. Et qu'est devenu le poulpe? C'est très chouette. Alors du coup, c'est pas un poulpe, c'est un calamar que j'ai attrapé après identification à première vue. Il est rouge, il est vraiment adorable en plus d'être... Il est dans l'aquarium? Il est dans l'aquarium et il nage tranquillement. Là, je le vois pas nager, mais en tout cas, je suis allée le voir tout à l'heure à la lumière. Du coup, pour regarder la bioluminescence, voir si le calamar est bioluminescent, il va falloir que je le sorte. Donc pour l'instant, il est dans l'aquarium. Dans les yeux, elle a l'impression d'avoir des flashs, mais je ne sais pas si c'est l'envie de voir des flashs ou s'il y a des flashs. Alors moi, j'en vois un. C'est clair qu'il y en a un continu. Donc là, j'ai sorti une grosse pipette pour aller jusqu'au bout, jusqu'au fond de l'aquarium. Étouiller doucement. Voilà, là j'ai eu un petit flash. Vous le reconnaissez? Un copépode, ouais. À quoi on sait que c'est un copépode? C'est un flash très court. Très court, plutôt rapide. Je veux dire, dans le mouvement. Le calamar, si jamais... Ah, okay. Ah ouais. Là c'est flagrant. Ouais, là c'était flagrant. Une lumière bleue, sourde. Ouais. Ah, encore. Ah. Pareil. Par exemple, les dinoflagellés, eux, ils font de la bioluminescence que la nuit. Ils ont en fait une horloge biologique. Si on essaie de les mettre dans le noir en pleine journée, ça ne marchera pas du tout. On verra rien en les stimulant, ça ne marchera pas. Et c'est ce qu'on voit dans les vagues bioluminescentes. Ah, alors il y a un super flash qui s'est passé. Ah ouais, alors en plus ça ressemblait... Alors ça, c'était un gros truc. C'était soit l'euphosiacé, soit il y a encore un autre crustacé qu'il faut que j'identifie, j'ai pas encore eu la chance de le regarder de près, ou carrément le calamar. C'était un des trois là, c'est obligé. Donc ce qu'il faut savoir sur les calamars, c'est qu'ils ont des cellules de couleur, des chromatophores ça s'appelle, qui se contractent et se dilatent selon l'environnement. Ils peuvent changer de couleur. Et donc là, bah, dans le noir, il n'a pas besoin de dilater ses cellules de couleur parce que ça sert à rien. Donc là, en fait, ses cellules sont toutes contractées. Donc il est complètement transparent. On voit juste des yeux et des tentacules, c'est tout. Fond là. Transparent au fond là. Voilà, donc je vais aller l'embêter, je vais aller le chercher. Il est un peu perturbé. Ah, il s'est accroché à la pipette. Là, c'est le combat avec le calamar. Hein. Oh là là, là il y a des flashs. Ouais, dans l'aquarium ça flash. Hein. Oh, quoi. C'est là, sur la disco de l'aquarium. Wow. Ouais, ça c'est le fusée, c'est ça. Oh là, cette lumière qu'on voit qui continue. Mais là il y a, je sais pas, 5, 6, 7 flashs en même temps. Ouais. Il faudrait se mettre de l'autre côté en fait du labo pour être vraiment pas dérangé. Dans les grands fonds. À partir de 400 mètres de profondeur, existent beaucoup de céphalopodes, des calmars, dont des bêtes assez grosses. On peut en dire un calmar géant, là c'est vraiment le record, avec 8 mètres de long, un corps énorme, et il y en a d'autres. Et le calmar bijou en particulier, qui bijou parce qu'en fait toute la surface de son corps est en fait couverte de photophores, qu'il utilise comme des phares, un petit peu comme les phares d'une voiture, pour éclairer ses proies. Et ensuite, évidemment, il a un bec féroce, il a des ventouses pour s'occuper ensuite de la proie une fois détectée et capturée. Vérifier la présence en début de campagne, pile, compas, pompe et tube de rigeur, lampe torche, ventilateur secours, vivre, trousse de secours, sac plastique, combinaison de survie, appareil respiratoire, VHF secours, support pile de rigeur. Vas-y pour la barre. Circuit secours et largage, placer le commutateur du coffret sur normal. C'est ok pour l'init. Activer les buzzers. Barre à droite. Actionner l'interrupteur sur marche, dévoyant le verrouillage des électrodes de la grange batterie. Barre à gauche. Autopilote. Soir à gauche. Lève le matin avec une petite angoisse et on enfile la petite combinaison bleue et on se présente devant le motile. Voilà, écoute, tu m'as averti à 250 mètres, hein, tu peux y aller, hein, mais au moins à 07, 08 en avant. Et puis après on descend dans la sphère, comme les capsules Apollo. On est trois personnes à l'intérieur de la sphère durant toute la mission du sous-marin. Le pilote qui est allongé en bas à gauche, le scientifique qui est allongé à côté dans une banette en bas à droite, et le copilote qui est assis en position centrale dans la sphère. La trappe se ferme, en même temps on est encore connecté avec la passerelle parce qu'il y a toutes les commandes du bord qui rentrent dans la cabine. On sent une agitation autour et en même temps, quand on est à l'intérieur, ben on attend que tout soit réalisé pour qu'enfin ben le pilote et le copilote prennent les commandes du sous-marin. Et... On veut l'attention sur Gustave. Voilà, bien sûr. On ne sait pas en fait si on part au fond de la mer ou si on part dans l'espace. Et, voilà, c'est assez... bizarre comme sensation et Et on s'envole, on sent juste qu'on est libre, on n'est plus fixé. On sent le sous-marin qui s'immerge et qui commence à descendre au fur et à mesure. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que au moment où on rentre dans l'eau, donc il y a plein de bulles d'air, hein, qui se créent, hein, à cause de l'engin qui rentre. Et là on voit les bulles, et tout d'un coup on est sous l'eau avec plein de particules dans l'océan de surface. C'est super beau. C'est bleu vert, hein, plein de bulles, c'est agité avec les plongeurs quand qui ressemblent un peu des phoques là, qui nous passent devant le hublot. Et une fois que la checklist est passée, on descend tout doucement. À 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Et là, on voit les rayons du soleil, hein, qui traversent la mer. Ça crée des raies de lumière dans l'eau. Et au fur et à mesure qu'on prend l'immersion, ben, les rayons sont de plus en plus absorbés par l'eau. Et donc, ça devient de plus en plus sombre. On voit à peu près bien jusqu'à 150 mètres. Puis, arrivé à 200 mètres, on est dans l'obscurité. Et après, alors je me suis mis... dans le noir complet, parce que la cabine est allumée, il y a des lumières, etc., qui parasitent éventuellement ce qu'on pourrait voir dans le hublot. Et on continue à descendre, et on commence à voir des petits flashs de lumière. Donc c'est les organismes qui sont dans cette masse d'eau. Le plancton sur lequel on arrive, ben, il va être stimulé mécaniquement par la turbulence de la plongée du Nautile, et donc là, on a des flashs presque en continu devant les yeux, où ça s'estompe parfois et d'un coup il y en a beaucoup plus. Et voilà, ça dépend sur quel type d'organisme on est tombé et qu'on a un peu certainement perturbé en passant à côté, quoi. Au bout d'un moment, c'est tellement calme et agréable que toute la tension se relâche par rapport aux objectifs de la mission, aux phases de préparation, aux phases de test. Il y a une grosse intensité nerveuse, une charge de travail élevée, l'envie que tout fonctionne. Et là, j'ai senti un relâchement, un apaisement, où je me suis assoupi pendant, pendant quelques minutes, quoi, jusqu'à rouvrir les yeux, où là, l'immersion était à peu près de 2000 mètres, et de nouveau, ben, des flashs de lumière qui rappellent qu'on est dans le milieu, qu'on arrive vers le fond, les instruments qui indiquent la profondeur, on commence à capter l'écho du fond, et on descend tout doucement, à 1 mètre par seconde. Et à 500 mètres du fond, on allume les lumières, les projecteurs, et là on découvre l'océan profond pour moi. Et là c'est un monde merveilleux. Plein de particules, plein de choses, plein de vie. C'est pas de l'eau pure, contrairement à ce qu'on peut anticiper. Il y a plein de choses. De temps en temps, on va passer une ophiocéacée, une grosse crevette, qui passe devant le hublot. Puis on descend tout sereinement, tranquillement. C'est super paisible. Pendant un quart d'heure environ, j'étais devant un poisson de trépied et on a pu filmer ce merveilleux poisson. Un poisson avec trois pattes qui se pose donc sur le fond du sédiment. Et ce qu'il y avait de marrant aussi, c'est comme s'il avait deux bras très très fins qui en fait captent certainement le plancton, enfin la nourriture qu'il y a autour de lui. Et donc voilà, complètement immobile, on a pu s'approcher assez près, vraiment fascinant d'arriver au fond. Malheureusement des déchets aussi, c'est quand même, quand on vient avec des yeux émerveillés, voir des détritus à 2400 mètres, ça blesse, ça blesse. Ben là, moi, je suis super content de voir la structure qui est posée au fond de mer, qui est déjà où tout est pratiquement tout est câblé. Donc ça, c'est l'aboutissement du travail des 4-5 dernières années, où tous les instruments qu'on a conçus et on a déployés, maintenant, ils sont câblés en attente d'être sous puissance. Et ça, c'était super. Oui, Christian, ça s'est bien passé au fond? Donc les manifs sont super bien passés. Donc Guillaume et Julien ont fait le boulot et moi j'ai pu observer le fait que tout était effectivement en place. Et si tu regardes par le hublot là, qu'est-ce que tu vois? Quand je regarde par le hublot, pour l'instant je vois pas mal de noir. L'obscurité. C'est la phrase de Guillaume tout à l'heure. Il a dit, si on y pense, j'ai peur. Donc il fait nuit, l'obscurité totale. Et la seule chose qui permet de voir éventuellement quelque chose, c'est effectivement la bioluminescence. On voit des éclats de bioluminescence comme des sortes d'étincelles. Ouais, faut penser aux plongeurs, ils vont têter pas mal d'air, donc on va faire attention. Ouais, c'est croché. Ok, on reprend le monde dans l'aérien. Ok, on va attendre comme ça, on va poser. C'est posé, baissé. Et tout d'un coup, on sort de l'eau et ça bouge plus. Ok, bien posé. Après, on est déposé sur le chariot et ramené à l'intérieur du navire. Et là, fin de la magie. Grande brasse pour l'homme. Il y a eu un grand pas pour l'homme sur la Lune, une petite brasse pour l'homme. On pourrait dire ça. Mais il va falloir qu'on en fasse beaucoup de brasses. Et on a la chance en plus. On est dans une période là où on est en train de développer aussi des vecteurs, des planeurs sous-marins qui peuvent atteindre maintenant jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Les AUV ou les gliders pour citer eux. Il y a aussi d'autres, des bouées qui font des yo-yo le long de la colonne d'eau et qui nous donnent de plus en plus d'informations sur tous les océans. On est effectivement dans un boom de possibilités de mieux comprendre notre océan, qui fait rêver dans cette perspective-là. Donc, enfin, il y a plusieurs brasses, il y a beaucoup de nageurs en ce moment. Après toutes ces années, la prochaine étape, c'est d'avoir ces images de Batipot. J'ai extrêmement hâte de le piloter en direct et de voir ce qui se passe au fond sur plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs années. Donc j'attends avec impatience les premières images qui vont arriver très bientôt, j'espère. Et vous allez découvrir une nouvelle éponge carnivore? Alors pour une nouvelle éponge carnivore, je suis pas sûre. J'ai des doutes. Mais par contre, c'est clairement la première fois qu'on a une vision 24 heures sur 24 du fond de l'eau. Et donc il y a forcément des choses insoupçonnées qu'on va découvrir. Et moi j'ai extrêmement hâte de voir ce qui va se passer au fur et à mesure des saisons, des années, des jours, des nuits. Forcément, c'est extrêmement excitant comme projet. Ce que les animaux doivent à la nuit, à la recherche de la bioluminescence. Un documentaire d'Aline Pénito, réalisation Anne de Pelchin. Avec Catherine Vadon, Evelyne Houliston, Séverine Martini, Christian Tamburini, Dominique Lefebvre, Karl Gojac, Marc Vienne, Gilles Ferrand, François-Xavier Briand, Eva Castillo, Aurore Lambert, Guillaume de Parseval. Merci au CNRS, à l'Institut méditerranéen d'océanologie, à l'Ifremer, la flotte océanographique française et Genavir. Mixage, Manu Couturier. Documentation, Annelise Signoret. Stagiaire, Annelise Assada. Attachée d'émission, Marie-Vanna Bolivier, Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran.